qui est infernal et qui ca à chaque moment. Qui ca fait au point moins pour un diable aussi. Oh, on te ca cherché pourquoi. Pour te ca trouver caresse en moi en mer. Pour si c'est fier, on te ca pide assis. On pense c'est moi qui te fait mal. Mais c'est vous tous celles qui te savent. Quoi souffrance anormal. On pas jamais te supposer. Ouais. Que stigma ta violence là. Ça t'es qu'à matcher jour après jour. Mon tatouage beauté. Comprendre, c'est moi qui te fais mal. Mais c'est vous tous celles qui te savent. Ou à souffrance anormale. Oh. Ouais, je sais force pour dire moi. Quel missier pas te gêné pour consommer cher, cher. Aussi souvent qu'il te voulait. Sans que maman soupçonne ça. Et bouche à même rete soudé. Soudé à l'étain de la honte. Le missier te capo encore. Ça fait un grand festin. Est-ce que ça pas trop criminel? T'es cassé ses larmes tout seul. On pas jamais à jouer ma reine. Jamais à papa j'ai porté un papa pour moi. Il brisait moi. Criminel, t'es cassé ses larmes tout seul. T'es cassé ses larmes tout seul.